Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit RZA. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. En direct avec RZA, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour la deuxième soirée dans Planet Rap avec Monsieur RZA qui arrive tout droit d'Orléans. On l'a appris hier soir. Comment ça va? Ça va toujours et toi? En pleine forme avec l'album qui est sorti aussi hier. Il s'appelle Love, cet Exactement. Album. Exactement. Donc passe là, bien là hein. Ça grimpe, ça grimpe. Voilà, hier on est arrivé, on était 7ème sur iTunes, voilà. Là on est 6ème sur Play Store, on est 1er. Et voilà, dans les bacs ça a l'air d'aller aussi. Je reçois beaucoup de photos, donc je suis super content. N'hésitez pas à balancer des photos avec le hashtag RZA sur Skyrock, RZA, vous les balancez, voilà. Ça arrive direct dans le studio. Tu es venu avec des invités ce soir. J'ai croisé Farid Oussama, hein, les deux rigolos qui sont là. Ouais, ils sont encore là, ils sont dans le coin. Et j'ai vu aussi d'autres présences ce soir. Exactement. Que tu vas nous présenter dans un instant si tu veux bien. Voilà, pas de souci. En attendant, on va balancer le premier morceau de cette émission pour faire connaissance avec RZA. C'est un morceau qui s'appelle Lié. Voilà. C'est un morceau Kenza Farah. Qui est un morceau avec Kenza Farah et qui est disponible uniquement sur la version digitale. Hein. Exactement. Et sur YouTube, il y a le clip. Et évidemment, pour mater les images, allez cliquer, allez découvrir RZA. Et voici le morceau avec Kenza pour débuter ce Planet Rap. On y va. Let's go! Tout le monde! Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap. En direct avec RZA sur Skyrock. On a pris mon cœur pour ce tout ça n'est pas pour moi. Je me suis fait des films, je connais déjà l'histoire. Tu me trouveras distant, ne me demande pas pourquoi. Quand on m'a tendu la main, moi j'ai souvent dit au revoir. J'ai toujours tout donné, crois-moi j'ai très peu reçu. Au final jamais été complet, à chaque fois déçu. J'ai essayé d'y croire, j'ai fini perdu. Je voulais rester loin mais ton attention perdure. Oui j'avoue, oui ça tourne, tout joue les tours, je deviens fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne, tout joue les tours, nuit et jour. Kelly dans mes filles, toi, je suis pas facile à gérer. Je vais faire des efforts au cas où t'iras, j'irai. Mis en mode, je suis pas sûr, mais au moins j'essaierai. Je sais que t'es pas comme les autres, pas là par intérêt. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais passer l'anneau, direct j'ai pris la fuite, j'ai bloqué des numéros. Mais toi t'es différente, tu contrôles mes fesses et gestes. Quand tu me passes c'est fou, j'oublie tout et je suis à l'ouest. À ton jeu je me laisse prendre, j'avoue qu'au fond ça me plaît. Si t'y crois on y va, pas du genre à retourner ma veste. Oui j'avoue, oui ça tourne, tout joue les tours, je deviens fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne, tout joue les tours, nuit et jour. Ce soir je t'appartiens, on fait les choses bien. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie qu'on parte loin. T'auras gagné quand tu contrôleras mes humeurs. Tu m'as convaincu, tous les chemins mènent au bonheur. Tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. C'est RZA, notre invité toute la semaine, et ce morceau avec Kenza, morceau qu'on trouve uniquement sur la version digitale, lié sur Skyrock entre 20 et 21. Je le disais, des invités ce soir, Ritza, autour de toi, hein, autour voilà. de la table de Planète Rap. Donc des invités. Alors on commence par qui ? Est-ce que tu vas être galant ou t'es pas un mec galant toi ? Si, je suis galant, bien sûr. En plus, elle est invitée sur mon album, donc c'est vrai. C'est Diesel. Yeah, hello, hello. Voilà. Sans mec, sans meuf. Sans mec, non, sans mec. Ah non, c'est pas avec toi, c'est pas avec toi, c'est On s'aimera, pardon. C'est On s'aimera, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, petite erreur, premier petit rouage de la soirée, il y en aura d'autres certainement. C'est comment ça va, Diesel ? Bah oui, ça va très bien, et toi ? Eh bah écoute, en pleine forme, Diesel, moi pareil, j'ai découvert, vous faites partie de cette nouvelle génération, hein, qui fait pas mal de bruit, qui balance des vidéos, du son. Ouais, on essaye. Et aussi sur le projet de DJ Kaze, elle était présente, Diesel. Exactement. Sur le projet Paris Euro New York. Ça va, Diesel ? Bah ouais, ça va très bien. Un peu malade, mais bon, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, je sais pas, j'ai attrapé une toux un peu sèche. J'ai attrapé une toux, mais un peu sèche. Voilà. Ça va aller, tu vas tenir jusqu'à 21h ou faut appeler Ouais, ça va aller. Non, on appelle pas les pompiers ce soir. Il y a un live en plus avec Diesel, donc. Attention, il va se noter. Un petit peu de miel. Bon, Diesel, petit CV express quand même pour les gens qui te découvrent aussi. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Moi, Diesel, voilà, je viens de Cergy, artiste signé chez Juston Records. Donc, ça, c'est le label de Ritza aussi. Voilà, on est dans le même label et voilà. Enfin, je suis actuellement signé aussi en maison de disque en licence chez Vagram. Ah. Et voilà, là, actuellement, on est en préparation de mon album. Voilà, restez connectés. Ça arrive lourd, ça lourd. Ça va être très, très lourd. J'ai entendu des trucs. Yes. C'est très, très lourd. Très bien. Et allez aussi, tu le disais, sur ton projet avec le morceau. Voilà. On s'aimera. On s'aimera qu'on fera juste après en live. Enfin, on va passer 2-3 sons puis on va. Ouais, on le fera tout à l'heure en fin d'émission, exactement. Tranquillement. Mais écoute, bienvenue, Diesel. Non, bah merci, ça fait plaisir. Ça va, tu veux donner un petit avis ? Est-ce que toi, tu as écouté l'album de Ritza Love ? Bah, moi, j'ai écouté, j'ai kiffé. Et voilà, franchement. Bon, un avis c'est féminin. Un album à découvrir. Un avis féminin, s'il te plaît, Diesel. Bah, non, un avis féminin, c'est ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien la petite voix de Ritza quand il se met à rapper de temps en temps. Il rappe, il chante en même temps. Ça va, c'est stylé. C'est tout faire, le garçon. Ouais. Il est avec nous tous les soirs entre 20 et 21. Toi aussi, toi, tu chantes plutôt, Diesel. Hein. Ouais, voilà, je chante. T'as kické un moment rap aussi. De temps en temps, quoi. Ça m'arrive. Le matin, sous la douche. C'est mon ego. Voilà, vite fait, de temps en temps, hop, je lâche un petit 16. Ouais, voilà. Tranquille. Et bien, bienvenue, Diesel. D'autres personnes autour de toi aussi. Exactement, il y a Ritza. Un groupe Transition. Yeah. Aussi chez Juston Records. Bah, je vais les laisser se présenter. Hein. Un très bon groupe. Messieurs, qui commence ? Alors, qui commence ? Qui nous dit un petit mot ? Balance Sticks. Allez, les gars, vous êtes en live. Alors, ils sont combien en transition ? Ils sont 3 dans le groupe. Mets le casque. Ritza, ils sont combien dans le groupe ? Ils sont 3 ? Non, mais là, il n'y a pas tout le monde. Ah, il n'y a pas tout le monde. Ouais, il en manque là, on n'est pas tous là. Il en manque 2. Bienvenue, messieurs. Donc, vous êtes combien dans le groupe ? Pareil, petit CV express de transition. Un groupe composé de 6 artistes. Yeah. 6. Signé chez Juston Records. À ma gauche, j'ai le grand El Muchacho. La force tranquille. Swizzle. Il est là derrière, là, il se cache. On a Monsieur John S, moi-même Sixteen et il manque Steve. Il manque Hybride, ouais. Hybride. L'idée, le groupe a été monté comment ? Quelle année ? L'idée, ça va faire déjà un an. Ça va faire un an déjà. Fin 2013, hein. Ouais, fin 2013. Vous connaissiez tous ou chacun chantait dans son coin ? Non, on se connaissait tous. On dansait tous ensemble à la base. Puis danseur à l'origine. Danseur à la base. Très très bon danseur. La musique nous a appelés. On a complété. Ritza, tu danses un peu toi ou tard le soir ? Quand il fait nuit. Il danse grave bien. Bon, et vous, Transition, donc qu'est-ce qu'il y a de prévu pour vous ? Est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce qu'on peut vous suivre ? Entendre ce que vous avez sorti ? Bah, il y a déjà un premier freestyle sur YouTube. Ouais, My Nigger Remix. My Nigger Remix. C'est les States ici. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, on a une page. Ouais, puis il y a surtout votre dernier titre, les gars. Là. Le dernier titre qui est sorti avec les Rizzo qui est là. Je crois qu'on va le passer ce soir d'ailleurs. Exactement, on va finir par ça. Ils feront un live dessus. Un live tout à l'heure. Un son qui va ambiancer un petit peu pour commencer là. On pour va finir faire ça bien. Eh bien, on pourra le découvrir. C'est toute une nouvelle génération qu'on découvre d'ailleurs cette semaine avec toi, Ritza. Yeah. Des gens qui sont là aussi, bah, qui chantent. Toi, tu disais, ça fait au moins 5 ans. T'as commencé à peu près 5 ans. Vous, ça fait un petit moment que vous chantez, que vous dansez aussi. Et le groupe qui est fondé depuis un an, Diesel, pareil aussi pour toi. Ça fait un petit moment que tu chantes. Moi, c'est depuis que je suis sortie du ventre. C'est ça, ouais. La madre. Ça a commencé très tôt. Ouais, voilà, on a l'habitude. Donc Diesel, transition avec nous ce soir, toi. C'est bon, on a fait le tour, hein ? On a fait le tour, il y a tout le monde, on a présenté tout le monde. Et bon, on va pouvoir aussi présenter un de tes sons maintenant, un extrait de ton album Love. On met le morceau Tout Oublié. Tout Oublié, exactement. Tu veux dire un mot, comment il est né celui-ci ? C'est un morceau que j'ai enregistré chez Blasta. Big up à lui, il est dans le studio. Donc c'est un morceau un petit peu, on va dire, un peu plus varié de tout ça, mais voilà, en gros. Enfin, je pense que le son parlera de lui-même. Et bah, c'est ça. Tout oublié, Ritza avec nous, le hashtag Ritza sur Skyrock, balancez plein de messages. une fois, je m'endors seul, isolé dans le noir, je revois la scène. Un dernier au revoir, un sourire, un clin d'œil, et tu pars. Moi j'y pense chaque soir, j'ai mal mais j'ai pas le choix. Je ne peux que regarder, te laisser filer, même si tu ne le sais pas, même si tout nous sépare. Je n'avais qu'une envie, moi c'était de t'aimer. Yeah. Abandonner, être à tes côtés, j'aurais tant aimé te prendre la main, je voulais t'emmener. Mais le destin a choisi de nous éloigner. Moi je veux crier, pour tout oublier, prendre le temps de me retrouver. Oui je veux crier, pour tout oublier, mais tu me manques, je peux pas le nier. Wow, wow. Ta peau bronzée, ton regard de braise, je ne peux m'en passer. Et ces petits détails ne font que hanter toutes mes nuits. J'aimerais t'en revivre, tellement de choses à offrir. Mais s'il n'y a personne à qui le prouver, j'attends qu'on me délivre, je fais semblant de rire. Comme tout le monde, tu ne l'as pas remarqué. Abandonner, être à tes côtés, j'aurais tant aimé te prendre la main, je voulais t'emmener. T'as choisi de nous éloigner. Moi je veux crier, pour tout oublier, prendre le temps de me retrouver. Oui je veux crier, pour tout oublier, mais tu me manques, je peux pas le nier. Wow, wow. De nous éloigner. Moi je veux crier, tout oublier, prendre le temps de me retrouver. Oui je veux crier, tout oublier, mais tu me manques, je peux pas le nier. Wow, wow. Ritza avec nous et son album s'appelle Love, le morceau tout oublié sur Skyrock entre 20 voilà. et 21. Toujours dans les bacs. Toujours dans les iTunes, bacs. Play Store, partout. Avec ce soir des artistes qui sont venus en renfort. Yeah. Qui yeah. sont sur ton label. Ouais. Voilà, dans le même label, Justin Records. Justin Records. Justin. Ça va vite. C'est à découvrir tous les soirs. Ça va très très vite. Tous les soirs entre 20 et 21, Ritza et l'album. Tu trouves d'ailleurs que ça a été vite pour toi ou pas, Ritza? Justement entre la sortie de l'album, ce que tu fais depuis 5 ans. Bah, est-ce que le parcours a été long? Est-ce que tu trouves le parcours long? Non, pas forcément. Les 4 premières années, comme je t'ai dit, j'étais plutôt seul. Et après, je te dis, depuis un an avec Justin, on a sorti le premier album et depuis, ça va assez vite, ouais, quand même. Mm-hmm. Donc c'est. On va dire. Quand t'es bien encadré, ça va plus vite. Tu pensais qu'il y aurait un tel accueil ou pas, honnêtement? Parce non, que c'est vrai que ça, là, on dit ça marche quand même fort. Sixième des ventes bon, sur iTunes. Premier, tu me disais, en Play Store. Ouais. Bah non, je pensais pas. Hein. Mais bon, moi, je les remercie comme je suis assez. C'est quoi, toi, l'objectif, c'était quoi? Sortir déjà une première carte de visite, un projet, en se disant, voilà, j'ai envie de. Non, parce placer que j'ai sorti l'année dernière le premier. Mmh. Donc voilà, et là, avec le deuxième, je voulais un peu confirmer. Et revenir surtout au love, parce que dans le premier album, j'étais parti un peu du love. Et voilà, on m'attendait plus sur le love, donc là, il y a ce qu'il faut sur l'album, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de love? Qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait, entre le premier et le deuxième? Ah, j'ai le cœur brisé. Qui t'a fait du mal, Ritza, à ce point-là, pour sortir un album comme ça? Je t'ai dit hier, c'est la musique. Tu m'as dit ça hier, mais ça, c'était pour mettre de côté, parce que c'était la première soirée. Mais si on rentre plus dans le détail, qu'est-ce qui fait à un moment tu t'es dit, tiens, je vais faire un album quand même? Je crois qu'il y a une place là-dessus, qu'il y a un créneau quand même. Je sais le faire. Bah après ça, je sais le faire, je sais pas trop, mais au début je te dis j'étais pas trop dedans et à partir du moment où j'ai fait un son love, c'est le premier clip qui a buzzé direct. Ah. Je me suis dit pourquoi pas surfer sur cette vague et puis en fait ça va bien. Mais ça veut dire quoi? Que t'imagines comment ta carrière? T'imagines que sur les prochains albums tu pourras continuer un peu comme ça ou t'essaieras d'autres choses? Bah il y aura toujours un peu de love dans chaque album, mais après comme dans celui-là il y a 20 chansons certes, mais il y a pas que du love, donc je suis assez basé sur les principes, la vie de tous les jours, le vécu, les vérités, donc Il n'y a pas que du love forcément. Et il va falloir quand même que là, sur entre celui-ci et le prochain album, que tu dragues un peu de gonzesse quand même. Il va falloir que tu, ah ouais, tu racontes quelques histoires. Ça va, ça t'inquiète pas. Ça passe bien de ce côté-là ? Ça va très bien. Mec assez discret. Bizarre, tous les gars autour de toi qui rigolent. C'est bizarre, c'est. Ils connaissent. Ça glisse. C'est bien, ça glisse. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est bizarre, toi, t'es chelou, tu vois. Ça va. Ritza et l'album Love, ce soir, entre 20 et 21, il y aura du live ce soir aussi, avant la fin de l'émission. Tu chanteras avec Diesel. Avec Diesel. Ouais. Et après, il y aura un live de transition Diesel. Pensez à Aliris Lucchetto qui pouvait pas être là aujourd'hui. Ouais, big up Aliris. T'es bête. On pourra découvrir. Vous êtes plutôt sur quel créneau, messieurs, vous aussi, si vous devez chanter des histoires, c'est quoi, plutôt des histoires d'amour compliquées, tu sais, on fait tout, hein. Mm-hmm. On fait de tout, hein. Tout ce que la vie passe, tu vois. Tout ce que la vie passe. C'était mignon. C'était sympa. Bon, avant de balancer aussi le freestyle par téléphone avec vous, venez rapper dans l'émission, inscrivez-vous 41759. Le hashtag Ritza sur Skyrock, n'hésitez pas. Je voulais aussi, parce qu'on l'a pas dit, avoir une pensée pour ce qui s'est passé avec. Vous avez suivi cette émission de télé-réalité qui était en plein tournage. Une pensée évidemment pour les sportifs, mais pas que, parce qu'il y avait toute une équipe, il y a des journalistes. Pour les tourneurs, pour tout le monde. Pour les cameramans, pour en tout cas, voilà, pour toutes les familles des proches. Nous, on a une pensée particulière avec Momo, pour Alexis Vastine qui est passé souvent ici dans Planète Rap, le boxeur qui est un poteau de Momo d'ailleurs. Hein. Ouais, pensez aux familles. Donc aussi, on a une grosse pensée pour lui notamment, et pour ses proches, pour sa famille. Et il sortait d'une histoire terrible en plus, sa famille. Et là, le départ de Alexis, trop rapide aussi. Ouais. Donc voilà, on a évidemment une pensée, et on leur dédie cette émission et puis toutes les autres aussi. Voilà, terrible. La vie est parfois sympa et parfois brutale. Malheureusement. Bon, allez, on va revenir avec le son de Ritza dans quelques minutes. Le freestyle par téléphone, les inscriptions 41759. Les messages aussi, vous les balancez. Tiens, on nous demande s'il va y avoir une tournée pour toi, Ritza. Est-ce que tu te produis un petit peu? Est-ce que il y a déjà des showcases, je suppose, dans un premier temps? Ouais, j'ai fait quelques showcases et là, on est en train d'organiser une tournée dans toute la France, là, vraiment. Donc, les dates vont arriver bientôt. Donc, ça va arriver, faut te suivre. Voilà, suivre sur les réseaux, Ritza officiel, follow. Facebook, Twitter, c'est Ritza avec le tiré du bas, je sais pas comment on appelle ça. Le 8, tu vois, le 8. Non mais toi, t'es un mec issu quand même de la génération internet, t'es même pas capable de nous dire tiré ça. Du bas, quoi. Le tiré du bas. Ritza officiel, et sur Instagram, c'est Ritza officiel, tout attaché. Ritza et l'album Love qui est dans les bacs depuis hier, bougez pas, on revient dans un instant. Il y aura aussi le nouveau son de Youssoupha, Entourage, à écouter juste après ça. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète. Ce soir, Planète Rap Ritza, en direct sur Skyrock. C'est le Planète Rap avec Ritza à l'instant. Juste avant, il y avait le son de Youssoupha, Entourage. T'aimes bien Youssoupha? Ah, Youssoupha, j'adore. Pour moi, c'est. Niveau plume, c'est un des meilleurs du milieu, je trouve. Ouais. 18 mai, sortie Négritude, très, album très de Youssoupha, et Entourage était le premier extra à l'instant sur Skyrock. Ah ouais, son album, il est attendu aussi, hein, j'ai vu. Ouais, Ritza, toi, il y a ton album qui est dans les bacs depuis hier. Voilà, depuis hier, toujours aujourd'hui dans les bacs. Et c'est marrant d'ailleurs, la semaine prochaine, je sais pas ce qui se passe à Orléans, il y a Dossé qui sort son projet aussi. Ça. C'est vrai, pendant deux semaines, t'es à Orléans. Ouais, c'est vrai que j'ai deux semaines d'Orléans, je suis en train de capter. Et demain, je ramène un autre gars d'Orléans. Ah ouais? Ouais. Vous connaissez avec Dossé ou pas? Vous avez des connexions? Non, pas du tout, par contre. Pas du tout? Non. Bon, voilà. Bah écoute, on parlera de toi la semaine prochaine aussi. Il sera avec nous, Dossé, pour découvrir son projet. Là, il y a celui de Ritza qui est sorti hier, hein, le projet de Ritza. Voilà, toujours disponible partout. On va écouter un morceau, qu'est-ce qu'on a dit, cette nuit, c'est ça? Cette nuit, ouais, ou sinon le live avec Diesel, c'est comme tu veux. Mais bon, on fera le live juste après. D'accord, bah c'est faisons, allons-y tranquillement. Un petit son funk, on va dire. Let's go. Comme je t'ai dit, dans l'album, il y a tout. Il y a plein de sonorités. Tu peux pleurer, tu peux réfléchir, tu peux danser. Tu peux danser. Donc celui-ci, c'est plutôt quoi? Plutôt pour danser, celui-ci. Là, on danse, c'est la fête. Le morceau s'appelle Cette Nuit, c'est extrait de Love. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Bien tenté. Bien tenté. Non, c'est les aléas du live. C'est la 4. Voilà. C'est vrai que c'est un peu plus fun que la précédente. Ah, celle-là. Je kiffe toute la nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Ok, ça glisse, vite, baisse les vitres, mets ton gloss, brille, faut qu'on fasse la diff. Soigné de la tête aux pieds, bien parfumé. Je te demande ton briquet, mais c'est pas pour fumer. Dis chicha, amène un mojito. Ce soir, c'est Faritas, mon côté latino. Je te mets bien, fais-toi belle, je mise tout. Je mise tout, oui, fais-toi plaise, mets-toi les effets bisous. Je suis toujours à fond, miss, ne néglige pas. Je n'aime pas trop les ordres, ne m'oblige pas. T'as un déhanché de fou, en gros, si tu piges pas. À te pencher comme ça, tu vas en prendre pour 9 mois. On parle des bons moments, on oublie les galères. En fait, je suis un gars bien, même si j'en ai pas l'air. toujours dans les bons plans. Pour toucher mes affaires, je te follow aussi à des femmes. Non, pour ça, jamais la flemme. Because tonight, tu connais mon coup, je régale. On kiffe jusqu'au bout de la nuit. Because tonight, on se fait du bien, y'a pas de mal. On a qu'une vie, donc moi, je profite. Je kiffe toute la nanana. Je kiffe toute la nanana. J'kiffe toute la life, toute ma life. On visite tout Paname, toi et moi. J'fais des sous, j'me taille pour ma wife. Non, on a pas ton time, j'fais les bails. Oublie les somnifères, reste là, ça dort pas. Ça rigole, ça fait le taf. T'aimerais qu'on soit solidaire, okay. M'en veux pas. C'est pas vraiment pourquoi j'm'isole, mais c'est normal. Ma main dans tes cheveux longs, yeah. All night long, tu sais ce que j'aime. Oh my god, toi les prisons. All night long, je sais ce que t'aimes. Oh my god, moi j'ai trop galéré pendant toute ma vie. Maintenant j'ai le sourire aux lèvres et certains m'envient. Avec elle j'oublie tout, peu importe son avis. Les jaloux sont comme les fakes, il faut les bannir. Because tonight, j'paye mon coup, j'régale. On kiffe jusqu'au bout de la nuit. Because tonight, on se fait du bien, y'a pas de mal. On a qu'une vie, donc moi j'profite. J'kiffe toute la nanana. J'kiffe toute la nanana. Tu connais, j'suis en place. Tu le sais, on s'amuse. Une soirée, un palace. J'vais kiffer, j'pars dans le sud. Un briquet, une chicha. J't'ai blessé, je m'excuse. Viens trinquer, tequila. Désolé, j'ai tout vu. Ma main dans tes cheveux longs, all night long. Tu sais ce que j'aime, oh my god. Toi les frissons, all night long. Je sais ce que t'aimes, oh my god. Moi j'ai trop galéré pendant toute ma vie. Maintenant j'ai le sourire au lait et certains m'envient. Avec elle j'oublie tout, peu importe ton avis. Les jaloux sont comme les fakes, il faut les bannir. Because tonight, j'paye mon coup, j'régale. On kiffe jusqu'au bout de la nuit. Because tonight, on se fait du bien, y'a pas de mal. On a qu'une vie, donc moi j'profite. J'kiffe toute la nanana. J'kiffe toute la nanana. J'kiffe toute la nanana. J'kiffe toute la nanana. Just on. L'album s'appelle Love et le morceau qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock cette nuit avec Ritza, notre invité tous les soirs entre 20h et 21h. Voilà une autre ambiance de l'album aussi, Ritza. Exactement, un petit peu de funk pour préparer les week-ends. Mais bon, là on est mardi, c'est chaud. Franchement, c'est bien de penser au week-end, tu as raison. Hein. J'y pense déjà. T'as raison d'y penser entre 20 et 21. Transition, il y a un groupe qui est là aussi avec toi qui fait partie de ton label aussi. Exactement. Le label où tu es, du moins. Ils ont fait un bon son. Ils ont fait un bon top iTunes là. Qui s'appelle Des Bêtes Bêtes. Des Bêtes Bêtes Bêtes. Bêtes Bêtes Bêtes. Découvrira ça à la fin de l'album. À la fin de la soirée, pardon. Je suis parti. Ah, tu l'as mis à la fin de l'album? Ouais, je l'ai mis à la fin en. Non, mais c'est un bon argument marketing, c'est bien. Retrouvez-le sur le fond de l'album. Celui qui le trouve, il a gagné. En morceau caché, ouais, bah cherchez bien par contre. Ritza Love à découvrir cette semaine entre 20 et 21. Et puis Diesel qui est là aussi avec nous. Vous allez nous faire un live dans quelques minutes. Ça va mieux la voix, Diesel? Ouais, ça va, ça va. Tu as tout sauté un petit peu? Ça va, j'ai ça bien sort. Un peu d'eau. C'est bien. On va y aller doucement. On va y aller dans un instant. Juste avant, je vous présente un garçon, c'est ça, qui s'appelle Red de Belfort. Red. Yep. Comment ça va, Red? Ouais, Red. La pêche, tranquille. Est-ce que tu connais Ritza? Je découvre là, mais j'aime bien, il est bon dans ce qu'il fait. C'est cool. Bah, merci à toi. Et bah voilà, il y a un groupe qui s'appelle Transition que tu vas découvrir aussi en live dans un instant. Yep. Puis une jeune fille qui s'appelle Diesel qui est en train de tousser et s'étrangler. Mais ça devrait aller mieux d'ici quelques minutes. Je m'affiche, Fred. Comme toujours. Yes. Bon, toi, tu es prêt à rapper, Red? Yep. On y va. Ah, un son de Kenza. Yep. Yeah. Ah. Mais sur Skyrock. Yeah. Ça a fait. Yeah. Elle a le boule qui tue. Pas use no light. Sur la piste de danse, elle bouge et ça m'enjaille. Elle est belle et elle le sait, c'est normal qu'elle en joue. Je voudrais son numéro, mais peur d'obtenir feu blanche en retour. J'ai pas les bras car je sais que je pourrais la voir. VIP, bouteille à la main, liqueur, viens donc à ma table. J'ai du mal à y croire, si douce dans sa robe en soie. Elle me cherche du regard, je suis le premier palais, dis bonsoir. Disquette de collégien, histoire, jouer le caïd. Elle a des formes de fou, obligé que mes yeux me trahissent. Merde, elle m'a grillé, attends, j'ai tant de choses à te dire. Si c'est que je ne suis qu'un homme et que chez nous c'est maladif. Je prends le dessus, mademoiselle se met à l'aise. Elle trouve qu'il fait plutôt chaud. Elle me propose d'aller prendre l'air. C'est là que j'ai compris qu'elle voulait mettre les choses au clair. Elle me propose de la suivre. Je sens que le charme opère. Damn, damn. On a dansé toute la nuit. Son déhanché m'a assommé. Je peux vous le dire, c'est une amie. Mais je me pose des millions de questions. Oui, dur du genre, est-ce qu'elle fait comme ça avec tous les autres mecs? Et est-ce elle qui fait chavirer les cœurs? Avec elle, seconde été, minute été, les heures. Si elle partait, j'aurais le seum. Moi qui ai toujours été entouré, je me sentirais si seul, bro. Yeah. Je me sentirais si seul. Au matin je me réveille seul dans le lit. Où est-elle passée? Non, partie sans rien laisser. À part la marque de ses hanches. Et c'est tout ce qui me dérange, bordel. Ce qu'il me reste d'elle, c'est sa carrure de tête. C'est moi seul dans cette putain de chambre d'hôtel. Yes. Et moi, c'est dans cette putain de chambre d'hôtel. Bien vu, Gret, il est bon, hein. L'ambiance, hein. C'est lourd. Bon, hein. Ça glisse. Il est sur ton créneau, Rizza, méfie-toi. Ah, non. Moi, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. On est tous là. Ah, c'est lourd en tout cas. Bravo. Eh ben, bravo à toi en tout cas, Red. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Où est-ce qu'on peut te suivre? Facebook, Twitter, c'est juste Rizzy, J-U-S-T-E espace R-I-2-Z-Y. J-U-S-T-E espace R-I-2-Z-Y. Yes. Okay, très bien. Merci à toi, Red. Petite dédicace, petit message à passer. Yep, yep, bah, mon label, hein, label indé, Animal Rec avec HTM, Ninon. Attends, j'ouvre le bloc-notes, tu vois. Il y a une liste de supermarchés. Ah ouais, il faut oublier personne en fait. Voilà, exactement. Après, je me fais engueuler, tu vois comment. Vas-y. Nice Nayo, Serkera, Carter. D'ailleurs, Carter qui sort un clip bientôt qui s'appelle S'ambiancer avec Anae. Et gros bisous aussi à mon grand frère, ma petite sœur, Edine, Nord, Amandine, Euge et Simous. Eh ben merci, les messages sont passés, Red. Yep, ça passe. À bientôt ciao, du ciao. Côté de Belfort. Allez, ciao, Red. Passe une bonne soirée. La soirée, elle est avec Rizza, Diesel. Yeah, est-ce que vous êtes prêts tous les deux maintenant? Toujours. Un petit mot sur le morceau, on s'aimera. On s'aimera quand il a été enregistré à New Time, big up à Ake. Et voilà, on l'a fait. Donc toi, tu as appelé Diesel, mais en même temps, elle est dans le même label que toi, donc c'est assez simple. Ça, ouais, donc ça, on n'hésite pas pour les collaborations. Donc voilà, c'est assez simple. Elle a apporté beaucoup au morceau. De toute façon, vous allez découvrir ça tout de suite. Toi, Diesel, c'est quoi les projets, ce qui arrive pour toi là prochainement? Album et prochain son qui va arriver aussi prochainement. Donc voilà, restez connectés pour mon actualité, c'est sur ma page, hein, Diesel Officiel. Et laisse-moi deviner, je suis sûr que sur l'album, il y aura un duo avec Rizza. Mystère et boule de gomme. Surprise. Boule de gomme. Profitez de vous maintenant en live. On s'aimera. Skyrock. Jazzy. Justin Record. On rêve de Porto Rico, on rêve de partir au calme, on rêve de s'aimer encore, on rêve de Villa Roca, mais on se contente de ce qu'on a, un peu d'humour, beaucoup de love, accro à l'autre, on se quitte pas, ensemble à deux, on vaut de l'or, on est peut-être pas les plus beaux, mais sûrement les plus comblés, peut-être pas les plus nombreux, mais on sait sur qui compter, on a ce qu'il faut, on se complète, des fois un peu parano, mais on se kiffe comme on est, pas besoin d'argent ou de Ferrari. Moi je m'en fous de ce que pensent les gens tant qu'elle me fera rire. Souvent on délire, on chante, oui on fait notre vie. Je sais qu'on finira ensemble, tout est écrit. On s'appelle, on se couche tard, je passe mon temps au tel. On s'envoie quelques snaps comme des potos, on se check. Mais jamais on se quitte, les jaloux on écarte. La relation écrite, on parle de prendre un appart. Pas besoin de villa ou de luxe. On s'en fout tant qu'on s'aimera. Voyage au bout du monde. On s'en fout tant qu'on s'aimera. Nos histoires, nos problèmes. On s'en fout et on s'aimera. Le reste n'est que détails. Yes, Diesel. Mais avant je sais qu'au fond on se ressemble. Pas de doute, on est fait pour être ensemble. En vérité c'est vrai que je t'ai dans la peau. Yes. Si tu vas mal, tu m'as, je te cache pas. Je suis tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love, Diesel. Je te promets que je serai là dans la détresse, dans la souffrance et le pire. On se fera notre petit paradis, quoi qu'il advienne, je serai tienne. Et tous les autres ne font pas le poids face à toi, face à nous. Et si t'as des galères, je te laisserai pas solo. Un coup on se déteste et une heure après on s'enlace. Je suis ta femme, t'es mon homme et ensemble on a trop la classe. Personne peut rivaliser, dans mon cœur je t'ai verrouillé. Impossible de baisser les armes après tout ce qu'on a traversé. Yeah. Et dans tes bras je retrouverai le réconfort. Je culpabilise quand je sais que j'ai tort. On sait ma mort. Je sauverai le destin si un jour le temps nous sépare. Sentiment incontrôlable. Ta visée sur mon cœur, je n'avais pas de gilet pare-balles. Pas besoin de villa ni de luxe. On s'en fout et on s'aimera. Voyage au bout du monde. On s'en fout et on s'aimera. Nos histoires, nos problèmes. On s'en fout et on s'aimera. Ce n'est que des tailles tant que je finis dans ses bras. Yeah. Mais à mort, je sais qu'au fond on se ressemble. Pas de doute, on est fait pour être ensemble. En vérité, c'est vrai que je t'ai dans la peau. Si tu vas mal, tu m'as, je te cache pas. Que je suis tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans le love. Tombé dans. En vérité, il est fait pour être ensemble. En vérité, c'est vrai que je t'ai dans la peau. Si tu vas m'assumer, je te cache pas que je suis tombé dans le love. Tombé dans le love. tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love, tomber dans le love. Yes. Skyrock. À l'instant, en live, je pense qu'on peut applaudir quand même. Bravo, bravo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Big en live. Big up. Malgré sa toux, elle a. J'ai essayé. Hein. Ouais, malgré sa toux, elle a. Elle envoie quand même. Hein. Elle envoie, elle envoie. Ça envoie encore, ses heureusement nerfs. Qu'elle est malade. Merci. Sinon, c'est encore. Ça trempe de partout sur les postes à la radio et tout. Diesel, un petit mot pour te suivre, te retrouver justement sur le net, les gens qui veulent en savoir plus. Bah ouais, moi sur ma page Diesel officielle, Twitter aussi, j'ai mon Twitter Diesel Juston. Et voilà, restez connectés. Ça arrive lourd, très très lourd. Donc durant très, l'année très 2015, il faudra guetter Diesel dans les bacs, ça arrive. Exactement, c'est... Diesel. Il y a aussi DJ Case aussi qui arrive. Ah bah, qui est de Justin Paris, Records qui arrive. Paris en New York. Il y a tout le monde qui arrive. Il y a tout le monde. Ça arrive, il y a du monde Justin, sur ce label. Hein. Voilà, il y a une nouvelle génération en tout cas sur ce label. C'est aussi cette génération qu'on découvre tous les soirs entre 20 et 21. Exactement. Avec toi, Ritza, et l'album qui s'appelle Love. Juste avant de passer au live de transition, on va mettre un dernier morceau de ton album. Ouais. Qu'une envie, tu veux dire un mot sur le featuring aussi dessus de ce morceau? Voilà, Qu'une envie avec Marvin, qui est lui aussi une signature Justin Records. Ah bah, c'est en famille, hein. Voilà, ce soir il pouvait pas être là, mais il viendra nous rejoindre cette semaine. Donc il fera des lives, il va présenter un petit peu son univers aussi. Donc gros big up à lui, un son un peu, on va dire un peu évasion, un petit peu entraînant, et voilà, Qu'une envie. Ritza et Marvin. Où vas-tu, oh Bella? Relève ta tête, je suis là. Si on partait loin de là, je veux un sourire sur ton visage. Raconte-moi tout, Bella. Toi, tu rêves de balade. Moi, je rêve de voyage. Si on partait prendre le large. Entre plage et building, on part à l'aventure, découvrir un tas de villes. Du monde, on fait le tour, main dans la main, c'est l'île. Sans penser à demain, on vit à fond, on profite. All night, tu veux kiffer all right. T'as besoin d'évasion, de t'exiler au calme. Donc suis-moi, on se taille dans mes bras, tu t'évades. Tout ça est bien réel, c'était pas une carte postale. On se regarde sans parler. Rien ne t'empêche de m'enlacer. Pourquoi ne pas s'embrasser? J'ai qu'une envie. On se regarde sans parler. Rien ne t'empêche de m'enlacer. Pourquoi ne pas s'en aller? J'ai qu'une envie. Je crois que je suis fou, toi. J'assumerai tes envies, on ira où tu voudras. On décolle à Venise, en Floride ou Cuba. Ok, moi je lâche tout pour toi. Si tu veux changer de vie, je t'en prie, suis-moi. Tu veux que je devienne accro, je t'en prie, fuis-moi. Comme dans un film à la Bonnie and Clyde. Sans règle et sans loi. J'ai fait ce rêve où tu m'accompagnais. Tu me disais qu'on s'aimait, qu'on se quitterait jamais. On oublierait la routine, que tout allait changer. Qu'on ferait nos vies, qu'on arrête de penser. Comme toi, je rêve de palmier. Que ça peut fin de tout oublier. De ne pas avoir peur d'un nouveau retomber. D'avoir un coup de cœur, de l'aimer, de prier. Sans parler, rien ne t'empêche de m'enlacer. Pourquoi ne pas s'embrasser? J'ai qu'une envie. On se regarde sans parler, rien ne t'empêche de m'enlacer. Pourquoi ne pas s'en aller? J'ai qu'une envie. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Ritza et l'album qui s'appelle Love, Qu'une Envie. C'est ce qu'on écoutait avec Marvin, qu'on accueillera donc peut-être dans la semaine. C'est sûr même. Qui passera. Ce soir, il y a Diesel, vous la reconnaissez par la toux. Il y a également. Il y a également avec nous le groupe Transition, donc c'est un groupe. Transition. Nombreux. Il y a une petite partie qui est là ce soir. Voilà, il manque une petite partie. Et il en manque une autre partie. Oui. Exactement, ils sont beaucoup plus. Donc le morceau s'appelle T'es bête bête. Il est sorti celui-ci, on peut le trouver. Voilà, sur iTunes. Les stores, je pense aussi, non. YouTube aussi. Partout quoi. Et vous allez nous le faire en live, c'est ça maintenant? C'est ça. Et bah, juste avant de faire tourner la roulette, inscription 41759, voici le J'espère titre. J'espère que t'as accroché, hein, parce que ça envoie, Fred. Oui, je sais, je l'ai entendu. T'es bête bête, Transition. Bête bête. Eh, mais t'es malade ou quoi? Dédicace à l'Eris, big up à toi. Luketo, Luketo, Transition, Luket, yes, yes, Muchacho, Muchacho, t'es bête, bête, bête, Luketo, Luketo, t'es bête, t'es bête, t'es bête, t'es pas vrai, toi t'es bête, bête, bête, bête, bête, bête, mais toi t'es bête, racaille, Transition, Justin, mais toi t'es Ritza sur iTunes, oublie pas, racaille, bête de soirée, ce soir ça va mettre le feu. Les essais sous stock, encore mieux que la beuh. Les racailles en progrès, la recherche d'un bref. Ou la tête sur la bêtise, même si t'es ça te sur la piste, pourtant à l'entrée t'étais pas sur la liste. T'es pas vrai mais tu kiffes. Bête, ce soir on fait la diff. Tu bêtes à tourner, en pensant choper. Les meufs pas ta bon sous, vous l'utilisez. Monétiser, cotéliser. Tu t'es fait plumer aux Champs-Elysées. Muchacho, muchacho, plus rien dans tes poches et t'as voulu te vaisseau. Versace, Versace, tes lunettes sont noires mais t'as rien vu la soirée. Toi t'es bête. Eh, toi t'es bête. Dédicace à Risa, racaille. Back. Yeah, yeah, yeah. Racaille. Mais toi t'es bête. Mais toi t'es bête. Eh, suivez-nous. Transition, Justin, Diesel. Diesel. T'es bête, bête, bête, bête, bête. Quand je vois ta tête, tête. M, D, R, R, R. Je finis à terre. Critique, tu fais exprès, ouais t'es dans l'excès, toujours dans l'excès. Oh mince, mince, mince, mince, mince. T'as osé porter en pince, pince, pince, pince, pince. Avec des TN, VDM, only God can judge me. Allez, arrête de faire frari. On se fiche de ta théorie, car tout ça c'est catastrophique. À deux, trois soleils et tu disparais. Moi de tes bêtises j'en ai eu assez. Et oui, le ridicule ne tue pas. À ce qui paraît. À deux, trois soleils et tu disparais. Moi de tes bêtises j'en ai eu assez. À deux, trois soleils et t'es game on. Parce que t'es bête, bête, bête. Est-ce que tu te sens bête là? La grosse bêtise, bêtise mon gars, ouais, la bêtise totale. Bête, bête, bête. Les Riluketo Ritza, album dans les bacs. Yeah, yeah, yeah, les pécho, les pécho. Les ris, c'est quoi un délire, les gens sont bêtes, bêtes. Sans pas se tenir, y'a des meufs bêtes, bêtes et laides, laides. Trop de full test, y'en a qui vont dire. On n'est pas tout seul à les remarquer. Les gens qui tiennent les murs dans la soirée. Ils se cachent pour danser, ils se cachent pour zooker. Mais qu'est-ce que tu viens foutre si t'es pas prêt? Y'a des mecs qui sortent du lot. Et des meufs avec du flow, du flow, du flow, du flow, du flow. Des gens qui ne boivent pas, en bas qui ne parlent pas, j'en ai ma dose. Ma dose, ma dose, ma dose. Je me suis mis sur mon 32. Oui, j'ai osé, sous la piche, je fous le feu. Qui veut me tester, appelle les poupées, ça va tuer qui est dur. J'appelle les offrets, tout, méga sûr. J'fiche pas pourquoi t'es bête, bête, bête. Hey. Si Justin, c'est la fête, fête, fête. Yeah. Balancer les raids, raids, raids. Jusqu'à maintenant, pourquoi t'es bête, bête, bête. Allez, Luketo, Justin. Mais toi t'es fou? Mais toi t'es. Ritza, iTunes. Dans les bacs, fais sur l'album de Ritza. Back, back, dans les bacs, back, back, back. L'album love, l'album love. Naomi, tu dédicaces à toi, j'ai bien vu tes messages. Ça y est, Ritza, elle est contaminée, ça y est, ça y est, ça y est. Ritza, elle a la bêtise en lui là. C'est vous là. Transition, Diesel, Ritza. Les Riz Luketo, les Riz Luketo, Big James Lova Lova, Justin Rigor, Justin. Yep, Naomi, Naomi, big up à toi. Gros big up. Eh, faites tourner le son dans toutes les soirées. Il vous a donné un ordre. Eh, c'est un ordre. Sinon, t'es bête. Alors, ça, c'est la cerise sur le poulet. La cerise sur le poulet. La cerise sur le poulet. Ouais, ouais, la cerise sur le poulet. Je ne connaissais pas celle-ci. c'est pas mal, la cerise sur le poulet. À l'instant, t'es bête, bête, bête. C'est ce qu'on écoutait. C'est dispo, donc transition, allez cliquer transition. Ouais. Voilà. Avec Diesel qui était là aussi avec nous ce soir. Exactement. Il y a des images aussi sur ce morceau, messieurs ? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Tout doucement. À venir. Ça va arriver. Sûrement. Et donc pour vous, transition cette année, elle va ressembler à quoi ? Transition. D'accord, une année de transition. Une année de transition. C'est la meilleure réponse que j'ai jamais entendue. Transition. C'est une très belle réponse en effet. Bougez pas dans un instant et juste avant de se dire au revoir sur Skyrock, on va retrouver Difool, la radio libre 01 53 40 30 20 Ritza. La cerise sur le poulet, ils m'ont tué, tiens, les messages sur le poulet, ouais. Ah, la cerise dans le poulet aussi. Je crois que tous les soirs on va t'en faire une. Hier c'était Goût Pizza, là c'est cerise sur le poulet. Ah oui, chicha Goût Pizza hier. Ah oui, hier ça a beaucoup parlé. Là c'est cerise sur le poulet. Il y a un truc avec la bouffe. Tout le monde hashtag cerise sur le poulet. Les gens aiment le manger. En même temps, c'est l'heure à ce temps-là. Allez, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. Axel de Chamaillère dans le 63 Clermont, côté de Clermont-Ferrand, Chamaillère, c'est ça Axel, hein? Ouais, c'est ça. Comment ça va Axel? Bah ça va super, et toi? Et écoute, est-ce que tu connaissais Ritza? Ouais, je le connaissais d'avant, enfin, de ses vieilles chansons. Il y a 20 ans. Quand il a commencé sa carrière. Exactement. Et ben il est là avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Et je te le présente aussi, Axel. Salut, Axel. Salut. Ça va ou pas? Ouais, ça va et toi? Axel, ça va, t'es prête à faire un beau stop? Elle tente de choper des places pour Maître Gims, la tournée en novembre-décembre avec Skyrock. Allez, on t'écoute tous. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... voilà, Axel. C'est gagné. Tu vas les garder précieusement parce que c'est pas tout de suite un concert, c'est le 28 novembre du côté de Clermont, Clermont-Ferrand pour Maître Gims. Mais au moins tu les auras, t'auras tes toutes premières places pour Gims, elles sont pour toi. Oh, félicitations merci. Axel. Petit dédicace pour ton message. Merci, vous êtes trop bon. On est trop bon. On est bon. On est bon. C'est superbe. On te fait un bisou, Axel. Bah, bisous. Bisous, ciao, à toi, Axel. Passe une bonne soirée. Merci à vous tous. Donc, on va saluer. On va refaire une dernière fois le tour de table. Voilà. Évidemment, être galant avec Diesel qui était là avec nous ce soir. Merci, oui, Diesel. C'est un plaisir énorme. Donc, il faut guetter 2015 pour toi. Hein. C'est ça, voilà, exactement. Rester à l'actualité. Un album qui arrive. Et le son, t'as une idée quand il va arriver, le prochain son qui va être balancé? Mystère et boule de gomme. D'accord. En attendant, on peut se régaler. Regarder le suspense. En attendant, on peut se régaler sur l'album de Ritza. Voilà, exactement. Puisque tu es présent. Et ça sera la cerise sur le poulet. Merci au groupe Transition aussi. Merci qui était là avec nous. De rien, on est là. C'est chaud, on est là. Suivez-nous. Ils étaient là entre 20 et 21 et on les retrouvera aussi en 2015 ou 2016. C'est une année de transition, donc on ne sait pas. Juste 2015, je dirais. Allez suivre en tout cas Paris Transition. Ritza, demain de retour? Demain de retour avec, des nouveaux invités. Et du live. Et du live. Et ton album Love qui est toujours disponible partout. Leclerc, enfin partout quoi. Allez cliquer, allez l'acheter si vous voulez découvrir Ritza cette semaine. C'est aussi sur Skyrock entre 20 et 21. Merci à vous tous, passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On ne doit pas être très loin. Oui, même là d'ailleurs. Eh ben, il est là. Bah oui. Merci, merci. Regardez les applaudissements. J'entends ça, merci public. Pour ton arrivée, dis-moi. Tu veux bien. Ça, c'est super ça. Et Fred, faut instaurer ça tous les soirs. Promis. Il y a déjà le freestyle, il y a déjà la roulette. Et derrière, on termine avec les applaudissements. Promis, tous les soirs, tu auras le droit. Avec des cris de femmes et tout. Oui, bah là, pour l'instant, j'ai pas entendu. Non, mais bon. Diesel. Elle a quitté le mur. Elle a mal à la gorge, mais c'est là. Ah, c'est ça. Bon, bah merci en tout cas. Non, elle est là, elle est de retour. Il y a Difool qui voulait que tu lui fasses un petit coucou. Ouais, il faut que tu fasses un petit coucou. Ah, coucou Difool, comment coucou, ça va? Coucou, et toi, comment ça va? Oh, bah super, la forme, t'as remarqué. Hein, bah, j'ai entendu, oui. Oui, oui, on a entendu. On a entendu le Planète Rap de soir et on sera là demain à partir de 20h pour la suite. Merci Difool. De ce Planète Rap spécial Ritza. Le groupe Transition t'intéresse moins, Difool. C'est bizarre. Oui, t'as vu un peu. Ils sont moins féminins, je pense, c'est ça? Il y a une vraie équipe là. Tout s'explique. Eh ben l'équipe, vous la retrouvez demain, 20h-21h. Sur Skyrock, c'est pas loupé. Merci, avec Fredo, merci à vous. À demain. Et puis ben là, c'est parti, Radio Libre 01 53 40 30 20. Vous nous appelez dès maintenant si vous voulez débarquer ici. Et on va démarrer avec un petit Bruno Mars, parce que ça fait toujours du bien, un petit Bruno Mars pour démarrer. Hampton Funk. Oula, je sens que Fredo est chaud, il va danser. Mais là, il tourne déjà sur la tête. Et ben c'est parti, on vous attend en direct jusqu'à minuit. Radio Libre 01 53 40 30 20. Les SMS sur le 41 759. L'appli Skyrock pour nous envoyer vos messages. Le skyrock.fm, ça marche aussi. Vous faites tout péter si vous voulez passer dans l'émission. On arrive tout de suite, bah, tout de suite dans une minute avec Bruno Mars et Mark Ronson. Et à demain, Fredo. Ciao, ciao. Ciao.